Adolphe. Ouais. J'arrive plus à jouer, moi. De toute façon, j'ai jamais vraiment réussi. Hein. Ok, merci, coco, ciao. Thank you. réussi à vider le serveur. Comme ça, on est tranquille. Thank you. Attends, je vais regarder si ma vidéo, cette fois, elle a marché. Je vais juste contrôler, comme ça, je sais. Tu te rends compte le temps que ça prend, encore, quand je suis arrivé dans le room, je crois que j'avais déjà commencé à l'envoyer, enfin à le faire. Attends, alors, cette fois, je l'ai mis. Cette fois, c'est bon. Ah ouais, j'ai un super film maintenant dans la room. Attends, je vais le En démarrer. fait, c'est pas cette room que je voulais entrer en fait. Au début, je voulais pas entrer dans Ah, cette c'est le room. film avec la femme indienne là, qui parle. Elle est trop bonne. Et le type qui s'est barré là, il jouait bien ou pas? Je crois qu'il n'y a pas de mal à jouer mieux que moi, mais je veux dire. Ça, c'est sûr que je vais jouer bien. Il n'y en a pas beaucoup qui Ouais, sont bah, nuls il a comme joué ça, tout à qui l'heure. osent. Nuls comme Moi, moi j'étais qui osent. au début, j'étais en rythmique. Lui, j'étais en solo. Non, mais juste pour s'amuser, quoi, aussi. Il y a pas forcément des pros. Mais c'est bien, c'est sympa, quoi. Attends, je suis en train de tester un truc, c'est pour diffuser le son sur dans la room. Ça sera Shenron qui va diffuser. S'il y a moyen de changer le volume, je crois pas. Je l'ai pas fait, c'est pas moi qui ai diminué le volume. Voilà, c'est ça que je me demande. Je sais pas, je dois avoir un problème. Je comprends pas. Ah, c'est peut-être le logiciel Winjam. Alors attends. Son est très clair, très bon, mais j'ai beau mettre à fond, dommage parce qu'il y a de la bonne musique. Je comprends pas là ce qui puisse passer. Merde, je vais vérifier. Je crois que c'est pas un logiciel où on peut modifier le volume. Donc, à mon avis, ça vient pas de moi. Je vais vérifier. Hop, voyons voir. Si, si, la source, tu peux modifier C'est la pas source de grave. ton volume, c'est en haut à côté de Voilà. au-dessus de Effect Processor. Ça, c'est ta sortie. Non, non, je te parle de ma conversion. Je te parle de Ici, là, la il y a marqué vidéo. Effect Processor. Tu Non, vois? je parle de la vidéo. Je parle de la vidéo, hein. Dans la vidéo. Ah, ok, d'accord. Ça, ouais, je Oui. vois. Ouais, non, mais je vois aussi. Bien sûr, ouais, non, mais c'est facile. Maintenant, Ouais, c'est vrai. je connais le programme. Ouais, Non, je te ok. parle de la vidéo. Si tu Attends, veux, je vais regarder un Paltalk truc. a reçu le fichier et m'ont baissé le volume. C'est le Attends, je convertisseur. reviens. Donc voilà, MP3 Je reviens, attends. Pro. Non, pardon. WMV Pro, faut éviter. Voilà la conclusion. Désolé. C'est vraiment bon, hein. C'est dommage que le volume. Ah. Le volume est bas, merde. Ouais. Dans ma vidéo. Il y a moins de délai en fait. Il y a moins de délai. Ouais, tu m'entends? Ouais. J'ai amélioré le délai en fait. Les boules? Le délai du son, j'ai baissé, attends. Putain, la vidéo, délai, on a à peine délai, le son. Délai. Ah. Putain, mais c'est de la super délai. Qualité. Hein. Ah ouais, vraiment excellent. La vidéo, elle est bien. Bien encodée. Nickel. Hein. On reconnaît ce qu'il y a sur le film. C'est bien. On reconnaît ce que ça montre. Parce que la qualité, elle est quand même pas fantastique. Non, mais c'est bien. Voilà. Ça leur fera une surprise. C'est toutes les erreurs que ça génère. Pas trop configurer la gestion des scripts. Bon, alors ça a marché. Hello Mike. Thank you. bouche. Ah oui, le sifflet, c'est plus pratique. Hein. T'arrives, hein? T'as vu, j'y arrive. Je m'entends moi-même. Je vais me muter. On m'entend encore, là? Un, deux. Un matin, un lapin. Un petit peu, toi un peu plus. Légèrement plus, toi. Mais peut-être moi aussi, puisque je m'entends pas. C'est pas bien. Oui, il me semble. Oui, un peu plus. Et moi, j'ai un bruit de fond important. Je sais pas. Thank you. Là, Philippe, je t'entends tapoter. T'es avec. T'es toujours avec Tina. Je regarde, t'as marqué. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, oui, je mets. Bah non, mais j'ai mis le mute. Je demandais tout à l'heure parce que je testais les fonctions du machin. Alors attends, si je mets mes mutes, tu m'entends encore? Bah alors je le laisse le mute parce que moi ça m'arrange. Non, tu peux pas te muter. Il faut que tu décoches transmit. Tu m'entends encore là? Je me trompe pas. Bon. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Ouais, mute. Ouais, t'entends toujours. Non, en fait,